Encore un peu de cinéma après la chronique de Corinne Pellissier, Jean Lebrun. Dans le vif de l'histoire, on parle d'Anne Frank aujourd'hui. Il y a ce film d'animation qui sort ce mercredi, Où est Anne Frank, signé de l'israélien Harry Folman. Et puis chez Kalman Levy, l'éditeur historique du journal d'Anne Frank en français, un roman graphique. Anne Frank revient en pleine lumière, Jean. Le journal est moins lu, mais l'histoire de la famille Frank demeure bien connue. Le programme antisémite d'Hitler l'a fait quitter l'Allemagne dès 1933. Elle parvient à vivre paisiblement à Amsterdam pendant quelques années. Ses enfants, à commencer par la jeune Anne, aspirant à devenir néerlandais. En mai 40, les Pays-Bas sont envahis. En juillet 42, Otto Frank, le père, décide d'anticiper les mesures d'internement qui menacent sa fille aînée et il transfère son petit monde dans un appartement sous les combles à l'arrière des bureaux de son entreprise. L'annexe abritera aussi une autre famille, ils seront 7, plus tard 8, à devoir survivre sans guerre d'intimité, assaillis par les cauchemars, les alertes bien réelles, les difficultés de ravitaillement, les bombardements qui sont vécus à travers les fenêtres occultées. Et peu avant le passage à la clandestinité, Anne avait, en juin 42, commencé la rédaction d'un journal. Alors on a pris l'habitude de le nommer version A. En mars 44, Anne entend sur les ondes de Radio Orange, la radio du gouvernement néerlandais en exil à Londres, un appel d'un ministre de la reine, Wilhelmine, recommandant de conserver tout ce qui s'écrit pendant et sur la guerre. Elle commence à réorganiser ses textes. On peut soutenir qu'elle devient écrivaine à 15 ans à peine. C'est la version B de sa chronique de la vie de l'annexe, laquelle est interrompue par l'arrestation en juillet 44. Au retour de déportation, le père Otto retrouve ce corpus conservé par sa secrétaire, inachevé, mutilé, puisque manquent plusieurs cahiers qui ont disparu. Il en fait la version C, l'œuvre qu'il veut conforme aux vœux de sa fille, mais ramassée et purgée de certains passages où Anne parlait objectivement de sa sexualité et subjectivement des adultes de l'annexe qui lui rabattaient trop vite le caquet. Otto, lui, était toujours à l'écoute de sa fille. Il lui avait recommandé « Tu as une force, ton imagination, certain pour désarmer tes peurs ». Anne a donc écrit aussi des contes, noirci des feuilles volantes, tenu registre des citations qu'elle cueillait dans ses lectures. Après la mort d'Otto, les instituts qui ont hérité de lui ont fait de tous ces matériaux, en 86, une édition critique titrée « Les journaux d'Anne Frank ». Et d'un petit livre vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, on est venu à un fort volume qui attestait de l'authenticité des textes, mais qui, avec ses 750 pages, devenait, comment dire, dissuasif. Alors que le film et le roman graphique d'aujourd'hui, quoi qu'on en pense, font retrouver la force de l'objet initial, le choc qu'il peut provoquer. Alors à l'origine, au temps de la version A, Anne avait destiné son texte à une amie imaginaire à qui elle avait donné le nom de Kitty. « Je t'ai inventé, tu n'existes que dans ma tête », lui disait Anne. Harry Folman fait de Kitty le personnage numéro 1 et à son tour la modèle comme il l'entend. Il la fait vivre aujourd'hui, au temps des vagues migratoires qui viennent battre les frontières européennes. Il lui confère un don d'invisibilité et lui fait dérober un cahier fétichisé du journal dans le musée Anne Frank d'Amsterdam. Cathy prévient la police, elle ne le rendra qu'une fois que les réfugiés parvenus aux Pays-Bas pourront sortir de la clandestinité et trouver un logis digne. Alors la Croix aujourd'hui écrit « Le parallèle entre hier et aujourd'hui peut paraître pesant ». Mais Kitty, en somme, elle parle comme le pape François. En Grèce, nous pleurons sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre, mais nous sommes maintenant à deux doigts de tirer sur les migrants qui se pressent aux frontières de l'Europe. Quand on avance dans la lecture du journal, Jean, le cœur se serre parce qu'on sait que Anne va disparaître. Alors dans le film, dans le roman graphique, Kitty, qu'Anne a inventé, brûle de la sauver, mais comment faire? Les deux jeunes filles ne vivent pas dans le même temps. Reste la leçon d'Otto, quand il expliquait aux clandestins de l'annexe qu'il fallait tenter de faire une place à un nouveau venu, faites ce qui est entre votre pouvoir pour sauver ne serait-ce qu'une vie. Et alors un propos qui est toujours applicable aujourd'hui, et c'est mieux que d'entendre dire bah, laissez-les mourir de froid à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne. Le roman graphique d'Harry Folman avec Lena Guberman sort chez Kalman Levy et le film est projeté en salle à partir de mercredi. France Inter.